mercredi 19h-19h30, Made in Fadjet, l'émission des émissions de Fadjet. Bonsoir et bienvenue dans l'émission qui vous emmène chaque semaine à la découverte d'un programme de Fadjet et aussi de ses animateurs. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Jason et de Charlotte. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir à tous les deux. Alors, Jason et Charlotte, que vous pouvez retrouver tous les lundis en direct entre 19h et 19h30. Ça, c'est le premier indice. Oui. Mais on ne va pas donner tout de suite le nom de votre émission. Moi, j'aimerais déjà qu'en quelques mots, vous puissiez présenter votre émission, en fait, sans donner le titre tout de suite, pour que nos auditeurs essayent de chercher et de jouer avec nous. Alors, Jason. En quelques mots, on pourrait dire que c'est une émission, d'un côté, il y a beaucoup d'infos. Oui. Alors, ça dure une demi-heure, donc il y a de l'info, et de l'autre côté, il y a aussi du divertissement. Mm-hmm. Donc, on apprend des choses, et en même temps, on se marre beaucoup avec l'équipe. Donc, on peut dire que c'est en direct aussi, c'est un lundi. Bien sûr, c'est un en direct, le lundi, entre 19h et 19h30. On apprend des choses, on s'amuse. C'est une équipe, parce que là, vous êtes deux. Oui, oui bien sûr, il manque, on peut citer David, qui fait les messages de stars. C'est la seule émission où on reçoit des messages de stars en direct. Ah. Alors évidemment, c'est des faux messages de stars. Indice supplémentaire. Un nouvel indice. Un nouvel indice. Charlotte, qu'est-ce que tu dirais, toi, pour présenter l'émission? Bah, il y a Jérémy aussi avec nous. Ah, voilà. Et c'est une émission où vous êtes en duel. Charlotte et David sont en duel chaque semaine. Et les chroniqueurs votent après pour départager Charlotte produit. Et Jérémy. Charlotte et Jérémy. D'accord. Alors, un indice supplémentaire. Toi, Charlotte, tu présentes quelle chronique dans cette émission? Le cinéma. Le cinéma. Donc, on parle de cinéma, entre autres. On apprend des choses. Et plus largement, je crois qu'on parle un peu de médias. Oui, on parle médias dans cette émission. Mais sans plus attendre et pour tout vous dire, on écoute tout de suite la bande-annonce. Salut, c'est Jason Gazon sur Fadjet et j'ai un message très important à vous faire passer. Si vous aimez regarder la télévision, vous allez adorer nous écouter à la radio. Avec mes chroniqueurs, nous revenons sur l'actualité média de la semaine avec des débats, des quiz et des rubriques que vous allez forcément apprécier. Cette émission, c'est l'œil du PAF et c'est tous les lundis à 19h en direct sur Fadjet. Et ben voilà, vous savez tout. Donc l'émission du soir, l'œil du PAF. L'œil du PAF, ouais. Ça, c'est un titre sympa, parce qu'en gros, ça résume vraiment le contenu de l'émission. C'est toi qui as trouvé ça? Alors, c'est pas du tout moi. Pour la petite histoire, avant de proposer l'émission à Fadjet, je cherchais un titre à cette émission. Donc, c'était une émission média. Il me fallait un titre et j'avais quelques titres, mais c'était pas très bien. Mm-hmm. J'ai demandé à mon entourage et j'ai demandé à David, qui est chroniqueur maintenant dans cette émission, et il m'a proposé l'œil du PAF. Et j'ai trouvé ça vraiment bien. Merci David. Et merci David, voilà, faut rendre à César ce qui est à César. Et ça a très plu aussi à l'émission, à Yves notamment, l'œil du PAF. Donc c'est vrai que c'est un très beau titre qui résume très bien l'émission. Exactement, donc pour justement résumer, c'est vraiment ça, c'est un regard sur le petit écran, voilà. C'est ça cette émission? On prend les infos qu'on trouve sur différents médias, différents sites internet, on en parle, on fait des débats autour de ces infos, on discute, donc certains sont d'accord, d'autres sont pas d'accord, c'est là où c'est intéressant. Donc en plus de l'info qu'on donne, on en parle derrière tout de suite après. Donc y a de l'info et... Il y a de l'analyse. Voilà. Donc c'est ça. Donc en gros, au départ, c'est Jason qui a eu l'idée. C'est toi qui est un peu le créateur de cette émission. Voilà, c'est moi qui a créé cette émission avec Inde, qui n'est plus là aujourd'hui. Et Mathieu, Mathieu Inde, qui était là au tout début. C'était la première saison. Mathieu qui a arrêté cette saison. Si, bah oui, là aussi, c'est des roulements dans les équipes. C'est aussi le principe un peu de Fadjet, où les gens restent parfois une saison. Parce qu'il faut dire que tous les deux, vous êtes étudiants, par exemple. Voilà, on étudie à la fac de lettres. À la fac de lettres, dans quel domaine? En infocom, avec un parcours journaliste. Et moi, un parcours communication. Et voilà, donc complémentaire, même formation, mais plutôt en journalisme, l'autre en communication. Donc pour cette émission, en plus, je trouve que c'est sympa, et c'est peut-être pas anodin non plus que vous soyez étudiant et que vous ayez envie de participer à une émission sur les médias. Oui, étudiant en journalisme. C'est très cohérent, et on peut faire journaliste média, par exemple. C'est la branche que j'aimerais faire, évidemment, d'où cette émission avec des infos médias, on recherche l'info et on l'analyse juste après. Alors au départ, cette émission, elle était vraiment axée plus sur la télé. Au départ, oui, c'est vrai que c'est un domaine où on est plus à l'aise. Moi, le premier, j'ai grandi avec la télévision. Mais, donc ça, c'était pour les premières saisons. Après, on a élargi un peu sur le web. Mm-hmm. Le web qui devient vraiment un média très important. Et du coup, on en parle assez souvent. Et il y a donc le cinéma avec Charlotte et Jérémy. On va y revenir tout à l'heure dans les différentes chroniques. Mais alors, tu es jeune, Jason. J'ai 20 ans. T'as 20 ans, donc tu es très jeune. Et tu... La télé, c'est un média qui t'intéresse. Oui, bah c'est, j'ai grandi avec en fait toutes les bonnes manières. Je les ai apprises avec la télé. J'ai adoré écouter et regarder Stéphane Bern, qui donnait plein de conseils. Par exemple, à table, le fait de pas mettre les coudes sur la table, le fait de mettre sa serviette sur le genou et pas sur la table. Il y a toutes ces petites astuces que j'ai adoré apprendre avec la télévision. D'accord. Donc il y a des émissions, il y a de bonnes émissions à la télévision, contrairement à ce qu'on peut dire. D'accord. Et quand on est jeune, on peut aimer aussi regarder la télévision, parce qu'on entend aujourd'hui les jeunes, la télé c'est plus trop leur truc, la radio ça reste encore un peu, mais plus trop non plus. Mais toi tu dis, la télé c'est vraiment un média qui m'a accompagné en étant petit, et donc qui t'a même appris des choses du quotidien. Oui. Ah oui, oui, oui. Voilà. Oui, on peut retrouver des choses à appliquer dans la vie de tous les jours. Il y a tellement de thèmes aujourd'hui à la télévision et tellement de chaînes que évidemment on peut s'y retrouver. On trouvera son bonheur à la télévision si on veut se divertir. On regarde Cyril Hanouna. Si on aime la politique, on regarde Yves Calvi sur France 5. Il y a des documentaires. Et on trouve tout ce qu'on veut à la télévision. Toi, tu nous dis que la télé, ça reste le média grand public. Oui, je pense, oui. Même si Internet commence à prendre de l'importance, on l'a vu avec Nicolas Hulot, qui, pour toucher les jeunes, justement, a fait une vidéo humoristique sur Internet. Ça cartonnait sur Internet. Donc, les très jeunes, c'est plus Internet aujourd'hui. C'est pour ça qu'on en parle, d'ailleurs, dans l'émission, parce que ça devient quelque chose de très important aujourd'hui. C'est pour ça aussi donc, que vous avez ouvert l'émission sur d'autres médias. Voilà. Voilà. Alors, toi, Charlotte, tu as rejoint l'équipe depuis combien de temps ? Je suis là depuis mars 2015. En fait, c'était Jérémy... justement avec qui je fais la chronique cinéma, qui m'avait proposé parce qu'il cherchait une fille, parce qu'il y avait que des garçons. C'était une émission de garçons au départ, voilà. Donc oui, c'est très bien, une voix donc, féminine. Il cherchait une fille et puis moi j'en avais déjà fait en fait en cours, on avait un cours, c'était pratique audio et on avait fait de la radio et puis ça m'avait bien plu. Puis il m'a proposé, puis j'ai dit bah oui, pourquoi pas, je suis venue une fois et puis je suis revenue toutes les semaines. Ça se passe comme ça sur Fadjet, c'est-à-dire on vient regarder et puis du coup après on intègre très, très facilement une équipe si effectivement... le sujet plaît en fait. Oui. Donc toi, ta chronique c'est autour du cinéma, mais du cinéma télé. Oui, en fait, on regarde avec Jérémy les films qui vont passer dans la semaine. Et puis le film qu'on a déjà vu, qui nous a plu, on le propose, on dit comme ça, ça fait aussi découvrir aux téléspectateurs les films qu'il y a pas mal à regarder. Bien sûr. Et du coup, je fais un film, Jérémy fait un autre film, et puis à la fin, on vote sur lequel les chroniqueurs ils vont regarder. Ah oui, donc c'est ça toute la dynamique. C'est-à-dire, on sent bien que dans cette émission, c'est pas chacun qui vient avec sa petite chronique, qui la propose, mais il y a l'interactivité entre vous. Ah oui, toujours. Dans chaque chronique, ça se passe comme ça. Et c'est vrai que c'est une contrainte que je leur donne. Il faut que le film passe dans la semaine. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai grandi avec la télévision et j'ai aussi fait ma culture cinématographique avec la télévision. D'accord. La télé, c'est un ami indispensable pour Jason. Il y a beaucoup de choses intéressantes. C'est vrai qu'aujourd'hui, le cinéma, c'est accessible aujourd'hui. C'est 7 euros, je crois, la place. Oui, c'est un peu cher quand même. À la télévision, c'est des films gratuits. Il y a de très bons films à la télévision. Exactement. Donc, effectivement, mais il faut être attentif. Parce que, effectivement, c'est ce que tu disais. Aujourd'hui, on a plein de chaînes. Oui. Donc, par exemple, petite question très générale, c'est-à-dire la multiplication des chaînes, pour toi, c'est un plus ou un moins par rapport à il y a quelques évidemment. Années oui on a le choix aujourd'hui, on peut zapper, on a une télécommande, on zappe très facilement. S'il y a une émission qui ne nous plaît pas, on la regarde pas. D'accord. Contrairement à l'époque où il y avait 7 chaînes, enfin 6 chaînes, dont Arte, c'était assez limité, on trouvait souvent la même chose. Là aujourd'hui, on trouve ce qu'on veut. On a même des émissions américaines maintenant à la télé française. Donc ça ouvre encore le champ. Pour toi, c'est positif. Charlotte, t'es d'accord avec ce que tu disais ? Bah oui, je suis d'accord. En plus, maintenant, même si on veut pas zapper, faire une chaîne par une chaîne, maintenant il y a la mosaïque, donc on voit en gros vraiment tous les programmes qu'il y a, dans combien de temps ça va passer et tout. Et puis oui, on peut regarder des trucs américains et je trouve ça pas mal. Enfin. Et vous, en tant que jeune, à chaque fois que vous regardez la télé, vous trouvez un programme qui vous intéresse ? Parce que j'avoue que moi, parfois, j'ai du mal, même sur les 20 et quelques chaînes. Souvent, oui. On peut regarder l'après-midi, Stéphane Bern, comment ça va bien, c'est excellent. Le matin, vous regardez Télématin. Mm-hmm. À midi, vous regardez un tout jeu. Tout doit dépendre le moment de la journée. Ah oui, moi, auquel on regarde la télé, ça doit être ça. À chaque moment de la journée, j'ai mon programme. D'accord. Ah oui, tu continues, toi, vraiment, à être accroché et à avoir des rendez-vous télé réguliers chaque jour. Voilà. Bon, après, j'ai les cours, évidemment. Oui, sérieux. Voilà. Il faut pas zapper le cours pour regarder un programme télé. Mais on sent bien qu'il y a une vraie passion. Dans ce que tu dis, Jason, autour de la télé, toi plus le cinéma. Donc, je pense que toi, t'aimes bien tout ce qui est ciné, films actuels, plus anciens. J'aime bien aller au cinéma encore avec des copains, des copines. Enfin, ça fait une petite sortie. Et puis, je trouve, enfin, c'est sûr, c'est pas accessible à tous. C'est un peu cher, mais j'aime bien l'ambiance d'aller au cinéma. On prend des pop-corns. Voilà, c'est vraiment l'ambiance. Télé, voilà, Puis, il y a des films, je pense, qu'il vaut mieux voir au cinéma. Enfin, c'est sur un grand écran. Il y a vraiment du bon son que des fois, tout seul devant sa télé. Et du coup, en faire la critique à la radio, c'est un plus aussi pour toi? Qu'est-ce que ça t'apporte de faire cette chronique ciné, en fait? En fait, ça m'apporte de faire découvrir les films qui m'ont marqué et qui passent à la télé pour que les autres ils puissent les découvrir. Comme ça, je partage ce que j'aime bien, en fait. C'est partager sa passion, en fait. Exactement. Mais ça, c'est vraiment le principe de toute émission sur l'antenne de Fadjet. Oui, c'est très important de faire découvrir les films qu'on a aimés. C'est souvent comme ça qu'on fait sa culture aussi, c'est en discutant, en parlant d'un film qu'on parle avec quelqu'un. Cette personne a vu un film qu'on n'a pas vu, elle nous en parle, on a envie de le regarder. Et puis, on adore ce film après. C'est dans l'échange. Donc, on a bien entendu, on est dans L'œil du PAF, l'émission que vous retrouvez en direct tous les lundis entre 19h et 19h30. Voilà. Là, l'émission, c'est Made in Fadjet, mais qui parle de L'œil du PAF. Et donc, chronique ciné, on vient de m'entendre. Quelles autres chroniques on peut retrouver dans l'émission? Alors, avant, il y avait une chronique web qu'on a un peu remplacée, en fait, par un zapping maintenant. C'est un petit zapping qui dure une minute, ce qui reprend tous les faits marquants qui s'est passé à la télé la semaine. C'est assez drôle. Il y a un quiz à la fin. On termine avec un quiz assez marrant. On compte les points. Entre vous. Donc, c'est un petit jeu entre vous. D'accord, il y a des questions, il faut y répondre. Et à la fin de la saison, il y aura un grand vainqueur. D'accord, en plus, le vainqueur de l'équipe. Mais ce qui est bien, c'est que j'imagine que les auditeurs peuvent jouer avec vous. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, donc ça, c'est sympa. On est sur Facebook, on est sur Twitter, on a 3000 followers sur Twitter. Donc on est très bon. D'accord, ah oui, donc vous êtes bien suivis. Oui, voilà. Donc, exactement. Alors, il y a aussi un peu de musique, j'imagine, dans cette émission. On passe une coupure musicale en plein milieu à chaque fois. Voilà, dans une demi-heure d'émission, une coupure musicale. Et je crois que Jason... il a vraiment les fans, en fait. Et si vous êtes de fidèles auditeurs de L'œil du PAF, vous avez pu vous en rendre compte. Et j'ai donné de ma personne pour cette chanteuse. C'est même pas fan, c'est presque amoureux. C'est hystérique. Voilà, exactement. Donc, c'est une jeune artiste. Oui. Il n'y a pas que toi, à mon avis. Qu'on a découvert dans The Voice. Donc là, c'est un indice qui a commencé comme actrice, justement. Elle a fait actrice, ouais. Elle a joué dans La Famille Bélier. Elle a reçu un Oscar, d'ailleurs. Donc je pense que là... Un César. C'est vrai. Non, on est en France. Un Oscar, là, c'est... Voilà. Il est très... Voilà. La télé américaine aussi. Le cinéma américain. Un César. Voilà. Donc là, je pense que tout le monde a trouvé La Famille Bélier. Donc il s'agit de... C'est Louane, évidemment. C'est Louane. Et effectivement, tu en as longuement parlé dans une de tes émissions. Oui, je me suis donné un défi, c'est de me faire tweeter par Louane. Donc je lui ai écrit un poème, je lui ai chanté une chanson. J'ai même changé le logo de Fadjet avec la tête de Louane. Ouais. Et finalement, j'ai même pas même eu ce osé tweet. Ça. J'ai pas eu ce tweet. J'ai été favorisé, c'est tout. Je suis très déçu. Donc Louane, si tu nous écoutes, réponds à Jason. Vraiment. Ah oui, un petit message, s'il te plaît. Mais en tout cas, voilà, t'es pas rancunier. Et non, non. Tu continues à bien aimer, à apprécier ce qu'elle fait. Et bien sûr. Qu'est-ce qu'on écoute tout de suite? C'est Nos Secrets. This ain't loving, this ain't loving. Un si joli bouquet, nos atomes accrochés. Malgré tout voyager, des retours, des allées, descendre, remonter, à l'espoir adossé. Malgré tous nos secrets, s'accrocher. Malgré tout essoufflé, au centre ou dispersé, ce si joli bouquet te peut être affané. Et nous retrouvons Jason et Charlotte, mes invités du soir, qui nous parlent avec passion de leur émission L'œil du PAF, que vous pourrez retrouver tous les lundis en direct. Il faut le préciser, parce que effectivement c'est un exercice, le direct aussi. C'est ce qu'on aime tous dans l'émission. On a fait quelques émissions enregistrées, c'était un peu anarchie. Qu'est-ce qui change alors entre le direct et le enregistré ? Avec le direct, on sait qu'on ne peut pas recommencer. Donc quoi qu'il arrive, il faut se rattraper. Quand on est enregistré, on se dit si je fais une erreur, je peux recommencer. Donc on fait cette erreur. D'accord. Donc c'est de la pression positive, le direct. Complètement. Charlotte aussi dit oui. D'accord. Donc il y a un dynamisme qu'on retrouve dans cette émission. Effectivement, peut-être. Alors c'est une émission, on l'a dit tout à l'heure, qui était assez interactive parce que vous débattez pas mal entre vous aussi. Hein, c'est pas uniquement des chroniques. Donc le direct permet aussi d'avoir ce rythme-là, de garder un rythme peut-être plus rapide. On a cette pression là de mettre du rythme parce que c'est écouté tout de suite, c'est en direct, on peut pas recommencer, on peut pas couper des morceaux où il y a trop de blanc, où on dit n'importe quoi. C'est vraiment du direct, il faut que l'émission soit la plus parfaite possible. Voilà, une demi-heure, donc tous les lundis, 19h, 19h30. Mmh. Les chroniques, on fait un petit tour d'horizon des différentes chroniques qu'on peut y retrouver dans cet œil du PAF. Il y a donc, outre les infos, il y a aussi les audiences que Xavier fait chaque lundi. Il reprend les meilleures audiences et les pires audiences, donc c'est un top flop des audiences de la semaine. 3 tops, 3 flops. Mmh. Il donne les audiences et il donne son avis à côté, et entre nous aussi on en parle. On dit un petit mot sur l'émission, donc ça c'est pour Xavier. Il y a la chronique web donc qui a été présentée par Eleonore la saison dernière, qui est partie cette année en Allemagne, donc pour l'instant c'est en stand-by. On recherche un chroniqueur pour faire cette chronique ou faire autre chose. Pour l'instant on y réfléchit. Donc là, si quelqu'un nous écoute et qui serait intéressé pour faire cette chronique là, il peut prendre contact avec Fadjet et avec Jason. Complètement, oui, il peut venir. D'accord. Chronique web. C'est une demande de l'œil du PAF pour cette saison. Voilà, et puis de l'info surtout. Il y a trois infos. Et c'est le principe, c'est ce qu'il y a le plus dans cette émission. D'accord, de l'info. Et donc, vous passez aussi des extraits d'émissions, c'est ça, pour habiller un petit peu ce que vous dites, quoi, argumenter. À chaque info, ou presque, on sort un extrait. L'autre jour, on a parlé de la nouvelle star, par exemple. Il y a Joey Starr qui va intégrer cette émission. Du coup, on a passé un extrait où il réagit à ce transfert. Donc, on passe toujours un extrait pour que ce soit dynamique, justement. Et puis après, on en rediscute avec l'équipe. Alors, j'entends beaucoup, on en rediscute entre nous, il y a du débat entre nous. Oui, c'est très important. Je trouve que c'est un concept assez intéressant parce que souvent aujourd'hui, on est un peu passif aussi devant les médias. Soit on est tout seul, soit on est tout seul devant son écran quand c'est sur Internet. On regarde des choses un petit peu de manière individuelle. Et là, vous, c'est développer aussi l'esprit critique. C'est un peu l'objectif de cette émission. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est presque jamais d'accord sur une émission. L'autre jour, on parlait de Rendez-vous en Terre Inconnue, que personnellement j'adore. Il y avait David qui accrochait pas avec cette émission, le fait d'envoyer des célébrités dans des tribus un peu abandonnées. Donc on donne chacun nos arguments et du coup on redécouvre des émissions peut-être qu'on aimait pas avant et qu'on peut apprécier ensuite. Et du coup, on voit des points de vue aussi différents. Ça, c'est important aussi, Charlotte, de voir que tout le monde ne pense pas la même chose de tel ou tel programme, d'essayer justement de faire passer ses arguments pour essayer de convaincre l'autre ou de se laisser convaincre aussi par d'autres. C'est des choses qui t'intéressent, toi, dans cette émission-là? Ben oui, c'est pas mal. En plus, on a presque tous le même âge. Donc, on pourrait penser qu'on a tous vécu avec la télé, on a grandi avec, donc les mêmes programmes. Et puis, en fait, on voit que d'où on vient, comment qu'on a grandi, on n'a pas le même ressenti, le même regard. Et puis en général, c'est bien argumenté. Et puis après, on se met tous à peu près d'accord. Enfin, on comprend pourquoi l'autre n'aime pas. Par exemple, comme David, il a dit qu'il ne l'appréciait pas forcément Rendez-vous en Terre Inconnue, alors que moi, je trouve que c'est un super programme. On comprend quand même ses arguments et puis je trouve que c'est pas mal. Mais et ça, c'est même un exercice qui peut peut-être servir aussi en dehors de la radio. J'imagine que justement, avoir cet esprit un peu critique et pouvoir faire passer des arguments ou être convaincu par quelque chose et essayer de pouvoir l'expliquer à d'autres, ça vous sert aussi en dehors, dans vos études. Par exemple, vous êtes tous les deux, l'un en études de journalisme, l'autre, Charlotte, en études de com. Donc ça va être un plus, cette expérience radio pour vous? Oui, on apprend à argumenter, à écouter l'autre et à discuter. On est très ouvert d'esprit. On parlait, je sais que David par exemple aime beaucoup Touche pas mon poste, qui parfois Cyril Hanouna m'agace parfois, mais on comprend que c'est un divertissement pour lui, donc on discute et finalement on se dit si c'est un divertissement et qu'on prend ça au deuxième ou au troisième degré, pourquoi pas. C'est comme la télé-réalité qu'on trouve sur Énergie 12. Je regarde jamais Énergie 12, mais maintenant je peux comprendre que des gens regardent la télé-réalité. Avant j'étais vraiment contre cette télé-poubelle. Aujourd'hui, pourquoi pas, puisque les gens regardent ça avec un deuxième degré. Là aussi, donc on peut aussi un petit peu changer d'avis, ou en tout cas atténuer son opinion. Plus dans le cadre de votre formation, Charlotte, tu penses que ça va t'apporter quelque chose aussi? Toi, tu es en com, cette expérience-là? Déjà, pour s'exprimer, parce que à la radio, on ne peut pas dire n'importe quoi non plus. Et quand on est avec nos amis, on parle un peu n'importe comment. On prend le premier mot qui nous vient, alors que là, on ne peut pas dire n'importe comment. Et je trouve c'est important, parce que maintenant, on ne sait plus trop s'exprimer. Même devant les gens, il y en a, devant les personnes qu'on doit vouvoyer, il y en a, ils ne savent pas. Ils savent pas comment se positionner. Voilà, ils savent pas comment se positionner. Ouais. Et puis, je trouve, des fois, c'est un peu un manque de respect aussi. Et je pense, avec ça, ça nous développe à parler correctement, comme il faut. Et à préparer ses arguments aussi. En gros, ça demande combien de temps, une préparation d'une émission comme l'œil du PAF? Jason, toi, t'y passes combien de temps à peu près? J'y passe beaucoup de temps, parce qu'il y a les bandes annonces aussi. On passe une bande annonce de film, alors je dois couper pour que ça dure une seule minute. Il y a les extraits à récupérer, il y a le zapping à mettre en forme. Ça me prend une journée. Carrément, une journée de préparation pour une demi-heure d'émission. Voilà. Donc, vous voyez que quand on fait de la radio, effectivement, on n'arrive pas devant un micro sans rien préparer. Ça se prépare si on veut une émission de qualité. Ah oui, ça se prépare. Et j'ai oublié le quiz aussi, les questions à choisir. Voilà. Et toi, Charlotte, ta chronique, tu la prépares aussi, du coup? Déjà, il faut regarder tous les films qu'il y a dans la semaine, après choisir le mieux. Après, ça dépend aussi des semaines. Des fois, des semaines à la télé, il ne passe pas grand-chose. J'irais une petite heure. Une petite heure quand même, pour préparer une chronique de 2 minutes. Oui, Oui, voilà, c'est 3-4 minutes à 2. Donc, vous voyez, et effectivement, comme tous les animateurs de Fadjet, Jason et Charlotte sont bien sûr bénévoles, vous l'avez bien compris, donc ils font autre chose à côté, et ils prennent du temps vraiment pour vous proposer une émission de qualité, donc l'œil du PAF, on le rappelle, tous les lundis, 19h, 19h30. Alors, qui nous parle de médias, une question qui me vient comme ça. Vous avez une émission, vous, chacun, une émission préférée. Quelle est ton émission préférée, Jason? Alors moi, c'est pas une surprise, c'est Laurent Ruquier, c'est On n'est pas couché, qui passe le samedi soir sur France 2. Pour les couches tard. Et ce que j'adore dans cette émission, c'est que c'est très divers. Il y a des artistes qui viennent de différents horizons. On a un homme politique, on peut avoir un chanteur, un acteur, un comédien, un littéraire. Donc on découvre des gens et c'est très intéressant. Et du coup, ils dialoguent aussi entre eux. Je trouve cette émission parfaite. Il y a du débat, effectivement. Voilà. Exactement, et de la diversité. Charlotte. Bah moi c'est le petit journal de Yann Barthès. Donc c'est sur Canal Plus à 20h10 maintenant, ils l'ont rallongé. Qu'est-ce que tu aimes bien toi? En fait on voit l'information mais d'un autre angle. Enfin c'est il y a l'information, c'est l'esprit canal, enfin c'est je pense la seule émission qui a gardé l'esprit canal. Voilà. C'est vrai. Un degré voilà, hein, on prend de la distance un peu avec l'info et sous un ton un petit peu de dérision parfois et souvent. Et ça te plaît bien? Oui, et puis en plus ça nous permet de connaître par exemple les politiques, il y en a qu'on connaît pas, mais grâce au petit journal on voit plus ce qui se passe dans la vie politique. Alors et je trouve que c'est assez important parce que maintenant les jeunes ils s'intéressent plus trop. Enfin, ils savent. Il y en a beaucoup, ils savent même pas c'est qui le premier ministre de la France. On l'a vu dans l'œil du PAF. Oui, donc là aussi, on voit bien qu'une émission comme celle-là, on apprend des choses, on se détend un peu, et effectivement, ça permet aussi de dialoguer et de découvrir aussi des choses qu'on n'a pas l'habitude de regarder, parce que souvent, on est un petit peu stéréotypé, on va toujours vers les mêmes programmes, et du coup, d'entendre parler d'autres programmes, ben peut-être aussi que ça nous ouvre un petit peu l'esprit. En tout cas, c'est le message que j'en moi et que vous avez fait vraiment bien passer à travers cette demi-heure d'émission. Mais c'est vrai que pour rebondir sur le petit journal, c'est une émission qui nous intéresse, enfin qui intéresse les jeunes à la politique. Il n'y a pas beaucoup d'émissions comme ça qui donnent accès facilement à la politique. Si on prend l'exemple de C'est dans l'air, c'est très complexe. Il faut être assez calé en politique pour suivre cette émission. Avec le petit journal, on nous explique tout. C'est très clair et c'est très axé pour les jeunes. Et pour ceux qui sont pas très calés en politique, c'est très intéressant. Donc ils ont pas envie de découvrir ça de prime abord. Du coup, pouf, ils regardent, ils disent ah bah oui, tiens, c'est peut-être pas comme j'imaginais. Voilà. En tout cas, on vous sent vraiment passionné, puis avec des connaissances aussi sur les médias et que vous avez envie de partager avec nos auditeurs. Donc on va écouter un tout petit peu de musique et après je vais vous demander vraiment d'avoir une petite phrase ou un petit slogan qui permettrait à nos auditeurs de vous rejoindre s'ils ne connaissent pas l'œil du PAF les lundis entre 19h et 19h30. Si loin de moi, un grain de poussière ici-bas. Si loin de moi, un grain de poussière au combat. J'ai pas choisi d'être seul ici. Pas choisi d'être une anomalie. Va voir ailleurs et viens voir ici. Non, pas choisi d'être seul ici. Suis-je un humain sans futur? Un matériau à autour d'usure. J'ai pas voulu, pourtant c'est ainsi. J'ai pas choisi d'être seul ici. Si loin de moi. Dernière 30 secondes de cette émission Made in Fadjet en compagnie de Charlotte et Jason qui sont venus nous présenter l'œil du PAF. Alors, une phrase chacun pour inciter nos auditeurs à venir vous rejoindre le lundi à 19h. Alors je dirais que si vous aimez regarder la télévision, nous on en discute et on fait des débats dessus, donc c'est très intéressant. Et en même temps on en rigole, c'est ça aussi, parce que finalement ce n'est que de la télé, comme dirait Hanouna, c'est voilà. Et voilà, donc ça c'est la conclusion de Jason. Charlotte ? Et moi je dirais, venez nous écouter, venez apprendre des choses sur les médias dans une bonne ambiance, dans une ambiance conviviale et aussi un esprit jeune. Et ben voilà, c'est dit, il n'y a plus qu'à vous retrouver le lundi sur Fadjet. Merci à tous les deux d'être venus dans Made in Fadjet. Merci pour l'invitation. Merci. Bonne soirée à vous. Mercredi 19h, 19h30, Made in Fadjet, l'émission des émissions de Fadjet.